Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, projetons-nous dans l'enfer de Bagdad. Si la guerre est un enfer, pourquoi tant d'hommes se battent-ils ? À une époque où les soldats ne sont plus des conscrits mais des engagés volontaires, les combats en attirent plus d'un et peuvent même créer une véritable addiction. À Bagdad, de nos jours, le sergent-chef James, spécialiste du déminage en zone de combat, prend la tête d'une unité d'hommes ultra-entraînés au désamorçage d'explosifs. Mais ses méthodes surprennent deux de ses soldats lorsqu'il les précipite dans un jeu mortel de guérilla urbaine. Et vous, le cosmonaute ? Oui, monsieur. Combien de bombes vous avez désarmées ? 873, monsieur. Quel est le meilleur moyen de s'y prendre pour désarmer un de ces engins ? C'est d'y survivre, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je ne veux pas mourir. J'ai une famille. Je vous en prie, enlevez-moi ça. Alors, voyons. Oh, merde. T'as environ 45 secondes. Casse-toi ! Couvert, tout le monde, à couvert ! Je peux pas, il y en a trop. Je peux pas, il y a trop de cadenas. Je peux pas tous les enlever. Je suis désolé, ok ? Je suis désolé ! Tout le monde à terre ! Adieu, que ça Ça donne la... Des mineurs, un film de Catherine Bigelow avec Jeremy Reiner et Ralph Fiennes. Un DVD M6 Vidéo.